Bruxelles, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Longtemps, nos lointains ancêtres vivèrent nus jusqu'à ce qu'ils soient chassés non pas tellement par Dieu, mais par leur sortie d'Afrique vers des terres au climat plus rude. Vinrent les peaux d'animaux, mais peut-on vraiment parler d'habits? Puis petit à petit, vinrent les premiers tissus. Furent-ils ornementaux ou immédiatement destinés à vêtir? Marque sociale des personnages importants ou simples composants de rituels funéraires, toujours est-il qu'il est bien difficile de faire de l'archéologie textile, que les restes sont rares, mais que l'histoire qu'il raconte n'en reste pas moins passionnante. Textiles archéologiques, on rembobine, c'est le programme Habillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout savoir sur la mode de nos ancêtres, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Médard, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue spécialiste des matériaux organiques et des textiles anciens, responsable de l'association Anatex, laboratoire d'analyse. Et nous sommes en ligne avec Christophe Moulera, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Abu Dhabi. Mais on commence par celle qui laissera dans le registre fossile de l'internet la trace de ses multiples échanges textiles de seconde main. C'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence avec une étude parue dans Journal of Environmental Chemical Engineering, une étude qui décrit un nouveau bio-ciment fabriqué à partir d'urine et de déchets. Alors aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on produit chaque année environ 4,6 milliards de tonnes de ciment. Et c'est une industrie particulièrement polluante, sur plein de niveaux. L'extraction du sable, les mines de calcaire et les fours à ciment qui montent à 1000 degrés. La consommation énergétique et le bilan carbone de ce secteur sont très très élevés. Alors depuis quelques années, on cherche donc des alternatives durables et à valoriser ce qu'on regardait jusqu'à présent comme des déchets. Et c'est ce qu'a fait cette équipe de Singapour. Les chercheurs ont fabriqué du ciment en recyclant deux types de déchets, de l'urée, de l'urine de mammifères et de la boue de carbure qui est rejetée lors de la production de gaz acétylène. Cette méthode de fabrication fonctionne in situ et à température ambiante. Cette étude, qui propose une preuve de concept, démontre la faisabilité de ce procédé. Jérôme Morchin est enseignant-chercheur à l'INSA de Toulouse et au TBI, Toulouse Biotechnology Institute. Le principe de ce bio-ciment, c'est d'utiliser des matériaux à faible coût, donc typiquement de l'urée, qui aujourd'hui peut être récupérée dans des systèmes de collecte de l'urine. Ils utilisent cette urine pour enrichir les cultures bactériennes en micro-organismes qui sont justement capables de dégrader cette urée. Et ces micro-organismes, ils les récupèrent à partir d'une station d'épuration. Donc c'est déjà des micro-organismes qui sont capables de dégrader ces matières-là. Et cette dégradation de l'urée va donc conduire à des ions ammonium d'une part et à des ions carbonate d'autre part. Et pour fabriquer le carbonate de calcium qui va cristalliser dans un lit de grains de sable, ils utilisent pour le calcium un déchet d'un autre procédé industriel. En particulier, ils ont analysé les qualités mécaniques du ciment, puisque c'est bien sûr la première spécification d'importance pour avoir un matériau qui soit utilisable. Je pense que ça fonctionne assez bien, puisque en fait, ils opèrent la cristallisation directement dans le lit de sable. L'idée intéressante, c'est de réaliser cette précipitation in situ, c'est-à-dire avec un lit de grains de sable déjà en place, et finalement de venir ponter entre ces grains de sable en effectuant des couches successives de cristallisation et donc d'avoir une approche directe de fabrication du matériau in situ. Là, le fait de fabriquer les matériaux, les ions initiaux nécessaires à faire la carbonatation, le fait de faire cette opération à température ambiante, évidemment, économise beaucoup d'énergie. Alors, quelles sont les possibilités d'application à grande échelle de ce nouveau bio-ciment ? Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire, et d'ailleurs les auteurs le précisent. Et puis également, l'aspect analyse du cycle de vie du procédé, savoir si ces ciments sont durables en termes de résistance à plus long terme. L'aspect vieillissement sera sans doute quelque chose d'assez important avant d'envisager une industrialisation massive. Et si vous voulez retrouver eh bien justement l'étude et la composition dans le détail de cette nouvelle forme de biociment, et eh bien comme d'habitude, on vous poste les liens sur notre fil Twitter que vous pouvez retrouver plus tard sur la page de l'émission sur le tout nouveau et tout beau site franceculture.fr. Et on passe au bref. L'enquête, l'OMS enquête sur les cas de monkeypox ou variole du singe. Oui, depuis le 7 mai, 18 cas avérés ont été repérés en Angleterre, dont 2 hospitalisations. Le premier cas était un voyageur de retour du Nigeria. Depuis, des cas ont été identifiés au Portugal, en Espagne, en Italie et désormais aux États-Unis et au Canada. Le monkeypox est causé par un virus apparenté à la variole qui est normalement confiné à l'Afrique de l'Ouest et centrale. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct ou par goutte respiratoire. Elle provoque un état grippal, puis une éruption cutanée. La létalité est faible et la plupart des personnes se rétablissent sans traitement dans les 14 à 21 jours. L'Agence britannique de sécurité sanitaire affirme que les cas concernaient principalement des hommes qui s'identifient comme homosexuels ou bisexuels et soupçonnent une contamination par les muqueuses. Selon une étude parue dans la revue The British Medical Journal, le vaccin contre le SARS-CoV-2 aurait également un effet contre le Covid long. Oui, des chercheurs anglais ont observé les données dans le temps de plus de 28 000 Britanniques âgés de 18 à 69 ans vaccinés après avoir été infectés par le virus. 24% des participants souffraient de Covid long. Il se trouve que même après avoir été infecté, la vaccination contre le SARS-CoV-2 a des effets sur les symptômes persistants, et en particulier après 2 doses. Se faire vacciner réduit les risques de Covid long de 13%, avec 2 doses, ce risque passe à 9%. Selon les auteurs, les vaccins agiraient sur les particules virales qui pourraient persister après l'infection initiale. Et enfin, la sonde Parker Solar Probe vient de dévoiler de sublimes images inédites de notre Soleil. Et le 26 mars dernier, la sonde s'est approchée au plus près de notre étoile, à une distance d'environ 48 millions de kilomètres, où les températures frôlent les 500 degrés Celsius. Les 10 instruments embarqués ont pu enregistrer les détails de son pôle sud, une région qui habituellement est difficile à étudier depuis la Terre. L'ESA vient de publier l'image la plus haute résolution jamais réalisée du Soleil. On vient de vous poster cette vidéo hypnotique. Et ce n'est que le début de la mission. D'ici 2030, un Parker Solar Probe va se rapprocher encore plus près, jusqu'à 40 millions de kilomètres du Soleil. Voilà, et on vous suggère d'aller jeter un coup d'œil à cette magnifique vidéo, effectivement totalement hypnotique, et bien assez fascinante de notre bel astre solaire. Couvrez ce sein que je ne saurais voir si dans les récits fondateurs, et pas uniquement l'Ancien Testament, l'habillement est l'étape qui sépare l'état de nature de la civilisation. Qu'en est-il dans le monde réel? D'Australopithèque, Homo erectus, habilis, antécesseur, lusoniensis, néandertalis ou sapiens, quel est le premier à avoir utilisé un élément peau, fourrure pour se vêtir, pour se protéger du froid? Lequel a développé cette pratique jusqu'au tissage et dans quel objectif? Tenue cérémonielle, funéraires, apparat, vêtements? Comment étudier l'évolution de l'emploi du textile dans la préhistoire, étant entendu que le textile par sa nature traverse particulièrement mal les siècles? S'il est difficile de répondre pour ces raisons à certaines de ces questions, toujours pouvons-nous avoir recours à l'analogie, notamment vis-à-vis de certaines populations d'Afrique et l'usage qu'elles font du tissu? C'est le thème de notre archive du jour. Nous sommes en 1995 sur RFI. Et ce qui est intéressant, c'est quand même le glissement. Qu'est-ce qui amène des populations qui vivent leur nudité parée, qui la vivent très bien, à enfiler des textiles et des costumes? Bon, ça s'est fait très, très, très progressivement. Est-ce que c'est le jeu des influences extérieures à ce moment-là? C'est le jeu des influences extérieures. Il est certain que l'islam a joué un très grand rôle dans ce processus. Dans certaines parties de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest. En Afrique occidentale en particulier, puisque l'islam a contraint petit à petit ses convertis à l'habillement. Puisqu'en islam, il est absolument inconcevable d'exhiber les parties du corps à l'air libre. Donc toutes les sociétés qui se sont confrontées à l'islam, même parfois sans se convertir elles-mêmes, ont adopté, soit pour l'idéologie, soit par influence de contact, ont adopté petit à petit le vêtement. Mais pour des sociétés qui étaient beaucoup plus éloignées des centres d'influence de l'islam, le vêtement n'est arrivé que très progressivement. Il y a une photo au dos du livre qui montre deux petites jeunes filles pubères qui sont justement nues, mais très parées, puisqu'elles portent des tas de colliers autour du cou, autour des hanches, des bras, etc., et qui portent leur première bande tissée, qui ne couvre pas grand-chose, en fait, mais qui est passée donc dans la ceinture, qui tombe entre les jambes, et simplement participe de la parure. Ça n'est pas encore du vêtement, c'est toujours de la parure. Voilà, extrait de l'émission Mémoire d'un continent, panorama de l'histoire africaine, donc sur RFI, en août 1995. Alors évidemment, ethnologie n'est pas paléoanthropologie, il faut toujours se méfier des analogies, mais néanmoins, ça pose évidemment cette question, et ça montre à quel point il est difficile, quand on est dans du registre fossile, de savoir et d'identifier exactement ce que l'on va trouver et l'usage des quelques restes, et très maigres restes de textiles que l'on peut trouver dans les fouilles. Quel est votre sentiment à propos de cet archive, Fabienne Médard? Mon sentiment, c'est que effectivement, on est tenté assez facilement de faire des parallèles avec l'ethnologie. Mais il faut quand même rester prudent en archéologie, parce que c'est pas parce que aujourd'hui, dans certaines populations, on a telle disposition que c'était la même chose il y a 4, 5, 6, 10 000 ans. On ne sait pas. Donc, cela dit, ça nous donne des pistes quand même, ça nous guide. Et ça permet aussi d'ouvrir notre esprit à autre chose, parce qu'on est quand même très enfermé dans nos schémas contemporains, de nos sociétés, et on a vraiment tendance à faire des calques, même sans y penser, en fait, pour expliquer certaines choses. Et je pense qu'il faut vraiment se débarrasser au maximum, autant que possible, de ça, pour pouvoir être à peu près libre dans nos interprétations et dans notre réflexion. Donc, voilà, c'est une piste. C'est pour ça que, parce que c'était difficile, et on cherchait un peu comme chaque jour une archive, et on trouvait avec le réalisateur de la méthode scientifique cette analogie intéressante. Qu'en pensez-vous, Christophe Moulera? Oui, mais je suis d'accord avec Fabienne. Effectivement, je pense qu'il y a, c'est à la fois une source indispensable d'information, qu'elle ne peut pas échapper, parce que c'est quand même c'est quelque chose qui doit servir en fait à aider l'archéologue, surtout dans le domaine qui est le nôtre, qui est un domaine où effectivement les vestiges sont relativement fugaces. Et effectivement, faut garder toujours en tête les analogies un peu rapides. Mais c'est vrai quelque part que comment faire, ça serait aussi une erreur de quelque part de ne pas profiter aussi de l'exemplarité, les exemples proposés par toutes ces communautés qui en fait conservent encore et de moins en moins en fait les traditions textiles, pour essayer de comprendre un petit peu d'imaginer la façon dont pouvaient être vêtues les populations avant. Voilà. Je rebondis juste sur un petit point, ce qui est très intéressant, on va peut-être pas en parler, mais sur le vêtement et la parure. Ça, c'est vraiment un point très intéressant, de se dire qu'effectivement, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles, quelque part, la parure a une place quand même fondamentale, et souvent prend la place du vêtement. Quelquefois, on peut même imaginer que la parure, c'est du vêtement. Enfin bon, je sais pas. Mais on va tout à fait y venir un peu plus tard, quand on va parler effectivement justement du tissu et du textile, pour balayer une question à laquelle on a finalement peu de réponses et que des suppositions. Est-ce que on peut aller estimer à quel moment ou à partir de quel moment les hominines commencent à utiliser des peaux, des fourrures pour se vêtir, ou disons, pas pour se vêtir au sens contemporain du terme, mais en tout cas en supplément pour se protéger vraisemblablement du froid et des intempéries. Est-ce que ça, on peut à peu près le dater, ou est-ce que c'est quasiment impossible? C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Simplement, il faut garder à l'esprit que le climat est déterminant. Évidemment. Dans ces questions-là. Donc, pour ce qui est des premiers hominidés, qui, semble-t-il, vivaient dans des régions quand même au climat favorable, le vêtement n'était pas forcément nécessaire. La protection peut-être au niveau des mains, au niveau des pieds, je ne sais pas. Mais la parure peut-être. La parure probablement. Comme trophée de chasse, signe. Probablement, mais le vêtement, c'est quelque chose de très particulier. On n'est pas dans la parure, on n'est pas dans l'ornementation, même si le vêtement peut devenir ornement. On est dans de la protection, a priori. Et puis, plus tard, dans d'autres sociétés, on est aussi dans de la représentation sociale. Le vêtement peut jouer énormément de rôle. Mais au départ, en tout cas, moi, si je vous amène un peu sur mon terrain, puisque je travaille plutôt sur l'Europe occidentale, on ne va pas parler de vêtements tissés avant la fin du néolithique. On ne va pas l'évoquer avant. On est vers 2005 avant Jésus-Christ à peu près, 3000, allez, voilà. Il y a des productions textiles avant, mais probablement pas pour s'habiller. Mmh. On a des peaux. Et probablement que les populations qui vivaient à ces périodes-là chez nous, climat quand même tempéré, plus ou moins comme le nôtre, se sont vêtues en peau jusqu'à un moment où il y a eu une bascule. On parle du bassin européen, soyons bien clairs. Moi, je parle de l'Europe occidentale. L'Europe occidentale. On parle pas du croissant fertile. On parle pas du Moyen-Orient. Voilà. C'est notre néolithique à nous. Oui. Sachant que les néolithiques, le néolithique du croissant fertile est bien antérieur au nôtre. Bien sûr. Christophe Moulera, une opinion. Alors, je vais vous donner les chiffres que l'on trouve, que vous connaissez bien entendu quand on fait ce type de recherche. L'hypothèse climatique, c'est de dire que les premières peaux de bêtes qui servent justement de protection, c'est en tout cas en Europe, puisque ce sont plutôt les pays du Nord, autour de 800 000 ans. Donc, c'est très très ancien. Oui, alors effectivement, il y a des fouilles qui ont été faites, des travaux réalisés récemment, notamment au Portugal, je crois, dans les grottes, où effectivement on a quelques instruments qui attesteraient, notamment par les analyses de tracéologie, que certains instruments étaient utilisés pour gratter des peaux et peut-être pour réaliser des peaux qui auraient pu être utilisées comme vêtements, etc. Donc effectivement, on peut l'imaginer, vraisemblablement, on a des éléments... plus tardif, qui atteste de la présence de l'éban, par exemple, de coquillages, etc., qui étaient fixés sur les peaux. Donc les peaux ont disparu, mais les éléments qui ornaient ces peaux se sont conservés et ont permis de restituer la forme globale des vêtements. Et on sait qu'il y avait des pantalons, on sait qu'il y avait des tuniques, etc. Elles étaient parées parfois de milliers de ces coquillages, de croches de cerf, etc. Donc on arrive à peu près, en tout cas pour le paléolithique supérieur, on est sûr, là il n'y a aucun problème, on sait décorer, les vêtements sont très élaborés. Et là, on parle de quelle époque ? Il y a de la chaussure. Là, on est entre 35 000 et, à partir de 35 000 avant. Effectivement, les traces manquent un petit peu, mais on peut imaginer qu'effectivement, les gens devaient être habillés également pour des raisons dont parlait Fabienne, c'est-à-dire tout simplement des raisons pour lutter contre le froid, pour les périodes de froid, etc. Donc, il y a eu vraisemblablement des périodes où effectivement, on a utilisé la peau. Alors, des peaux plus ou moins élaborées, vous voyez ce que je veux dire ? Entre découper une peau et la mettre sur le dos comme... sans être particulièrement découpé, par exemple, ou aménagé, si je puis dire. Bon, ça, c'est assez facile. Là, je vous parle je vous parle à partir de 35 000 ans, je vous parle dès le paléolithique supérieur, d'un travail de cartonnage. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à peu près à avoir un schéma dans lequel on va découper une forme qui ressemble à un pantalon, etc., qui va être court. On a les premières traces d'aiguilles de l'Isolutréen, on est vers 20 000 ans. Rien ne dit qu'avant, on a utilisé autre chose. En tout cas, on a les preuves de ces aiguilles perforées, ces aiguilles vraiment à chat, et qui effectivement pourraient tout à fait être utilisées pour fixer, coudre, etc., les pantalons, les éléments qui décoraient ces tuniques, les pantalons. Donc, si vous voulez, 800 000 ans, ça me jette pas plus que ça, je peux l'imaginer. Après, oui, faut voir de quelle façon a été aménagé. C'est ça. C'est d'hypothèse complète. C'est sans preuve, en l'occurrence, oui. Plus ancienne aiguille à chat à Denisova, 45 000 ans. Probablement. Moi, j'avais celle du Solutréen en tête, qui sont plus récentes. 35 000. Du coup, un petit peu plus récentes que ça, 27. 25, je crois, ouais, d'accord. Effectivement, des aiguilles en os très effilées avec des chats. Je pense que pour le cuir, ça peut fonctionner si on préperce la peau et qu'on coud avec du tendon. Il faut que les coutures soient très bien faites, très jointives, parce qu'on est en période glaciaire. Donc, il n'est pas question d'avoir des trous dans la maille. Des trous dans la maille, exactement. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc de textiles archéologiques en compagnie de Fabienne Médard et de Christophe Moulera. Alors peut-être qu'avant de plonger justement dans ces méandres du passé et de passer finalement la question qui va nous occuper tout au long de cette heure, c'est-à-dire à quel moment arrive le tissu, le textile à proprement parler, c'est-à-dire avec des fils tressés qui constituent une trame. Comment est-ce qu'on étudie ce textile archéologique, Fabienne Médard? Puisque comme on l'a dit et comme on le suppose, déjà qu'il est difficile de remonter dans le passé et que les traces deviennent de plus en plus éparses à mesure qu'on remonte le passé, le textile, on imagine bien que ce sont des choses qui résistent très mal à l'épreuve du temps et que plus on remonte, plus les traces sont difficiles à trouver. Oui, en effet, plus on remonte le temps, moins les traces vont être conservées, sauf exception dans des conditions très particulières et souvent fortuites, où on va étonnamment retrouver des traces de textiles. Ces conditions, c'est des sépultures, dans des endroits très secs. Alors, pas forcément. Bon, je vais partir du néolithique, chez nous. Donc on a retrouvé de l'outillage textile, alors des ustensiles, on en retrouve plus anciennement parce que c'est de la terre cuite, c'est de l'os, ça va se conserver un peu mieux même dans des terrains qui dégradent les matériaux organiques. À partir du néolithique moyen, on retrouve pas mal de tissus dans les palafites. Les palafites sont les habitats lacustres, d'accord, en fait. En Suisse, en Allemagne, en Italie, je parle toujours de l'Europe, hein. Attention, hein, il se passe d'autres choses en sûr. Orient. Hein. On oublie, mais il faut le rappeler, vous l'avez déjà dit, que l'évolution de ces périodes néolithiques, palafites, mésolithiques, ça varie en fonction... Tout le monde n'est pas au même niveau, au même endroit, en même temps. Tout le monde n'a pas son néolithique même moment. C'est ça. Hein, ça voilà. Et les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, donc les conditions de conservation des matériaux périssables ne sont pas les mêmes non plus. Donc peut-être Christophe, d'ailleurs, tu pourras plus parler des régions chaudes, du croissant fertile et de ces zones-là. Moi, dans nos climats, dans notre Europe, on commence à retrouver des traces de textiles plutôt au néolithique moyen, sauf exception, il y a la corde de Lascaux, etc. Il y a des choses qui sont antérieures, qui démontrent le travail des fibres. Donc si on est capable de faire une corde, si on est capable de faire un clayonnage pour un pignon de maison, on est capable probablement de faire la vannerie et le tissu. Il y a un continuum avec tout ça. Oui. De tisser, la vannerie étant particulièrement importante quand on... Voilà. Et au néolithique, nos premiers textiles sont justement ces espèces de transitions entre vannerie et tissage, textile souple. Mmh. Voilà. Rigide, semi-rigide, souple. Et les techniques peuvent être les mêmes. Et ensuite, on arrive sur du tissage. Le tissage étant un fil dessous, un fil dessus. Donc, un système presque semi-automatique déjà. Et ça, on l'a dès 4000 avant. Oui, vous voulez dire... Alors là, on avance un peu parce qu'on n'en est pas encore aux premières machines à tisser. À 4000, si, on y est. À 4000, on y est. Mais justement, dans d'autres émissions, on est encore un peu en amont. On va arriver aux machines à tisser. Peut-être, Christophe Moulera, un mot justement sur le croissant fertile et sur les différences qu'il y a entre l'Europe occidentale et le bassin méditerranéen, dont on sait qu'il est en avance dans le développement d'un certain nombre de techniques, et notamment celle-ci. Oui, effectivement. Écoutez, par exemple, si vous prenez la Turquie, l'Anatolie actuelle, si vous voulez, vous prenez un site comme Çatalhöyük, qui est à peu près dans le sud de l'Anatolie, on a un site qui a livré à peu près des fragments de textiles tissés, avec un métier vraisemblablement entre 8500 et à peu près 8500 et 8700 ans. Vous voyez, ça, on est à peu près vraiment au tout début du néolithique. Donc effectivement, ce que disait Fabienne, donc très tôt, dès le néolithique, on a cette apparition de ce textile. Après, évidemment, je suis tout à fait d'accord, la fonction vêtement, elle est, à mon avis, ou également très très tardive. Concernant, effectivement, vous avez des exemples très anciens en Égypte, ou si vous allez pratiquement plus au prochain Moyen-Orient, la question, elle est surtout liée, en fait, aux conditions climatiques, évidemment, qui sont légèrement plus favorables, on va dire, à la conservation des textiles, hein, puisque là, en Égypte, on a des quantités énormes de ces textiles qui nous permettent d'avoir une très bonne idée de la production, de la qualité, de la grande variété des matériaux et en même temps des vêtements qui pouvaient être utilisés. C'est un peu moins le cas quand même quand on aborde le Proche-Orient où effectivement on a un petit peu moins, à part quelques exceptionnels, on a un petit peu moins de vestiges conservés, mais ils sont des tissus qui sont souvent très très anciens. et qui finalement se rapproche de ce que disait Fabienne, c'est-à-dire qu'on est encore dans une phase qui, effectivement, qui, pour les femmes les plus anciennes, se rapproche plus de la vannerie, de la sparterie, vraiment que du textile tissé sur un métier. Donc il y a effectivement aussi des analogies, finalement, dans l'avancée technique dans ces régions-là. Mais disons que ce qui caractérise aussi ces régions, c'est l'utilisation du lin. Enfin, peut-être que j'aborde un petit peu un sujet trop vite, mais en tout cas, on aborde déjà, il y a la question du lin, des matériaux utilisés. Et le lin et la laine également, ce sont les matériaux les plus utilisés, en particulier le lin. Mmh. Alors attention, pour l'Égypte, on est d'accord, on a beaucoup de fragments. Il faut savoir que pendant les autres régions du croissant fertile, c'est pareil, les vestiges sont relativement limités. Donc on a une image qui est souvent faussée, parce que souvent ces vestiges proviennent de sites funéraires, et donc sont-ils les reflets de la production quotidienne, etc., des populations? Ça, c'est peut-être une autre question. En tout cas, le lin est très très présent dans ces régions-là. Alors, le lin, vous faites bien de l'aborder, on va en parler. Sur l'interprétation, on y viendra un peu plus tard dans l'émission. Ce que je voudrais rappeler en termes de jalons historiques tout de même, c'est que quand on parle de néolithique supérieur, faut pas oublier que les premières civilisations du bassin fertile, c'est 4e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que là où l'Europe est un peu plus tardive, les premiers berceaux de civilisation, c'est moins 5000. À peu près, je parle sous votre contrôle, hein, bien sûr. Oui, un peu plus, même. Un peu plus loin, oui. Ouais. Oui. Donc on est déjà sur l'établissement, on a déjà sur de l'agriculture, on est déjà sur des formes de civilisation qui se développent et qui sont avancées, sédentarisées, etc. Tout à fait, ouais. Oui, on est d'accord. Donc du coup, si on remonte, en fait, la question sur l'étude et sur la pratique de cette archéologie textile, c'est que si on remonte un peu en amont de cela, les premières preuves dont vous disposez, ce sont donc l'outillage, c'est ce dont on parle, c'est-à-dire les aiguilles à chat, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, qui commence à donner des indices, justement, qu'il y a tissage? Alors, effectivement, les aiguilles à chat, des poids de tisserand, à partir du moment où on a l'utilisation des métiers verticaux à poids, sachant qu'il existe aussi des métiers à tisser qui ne laissent aucune trace, d'accord? Tout en bois, donc il n'y aura rien, rien d'identifiable en tout cas. Hein. Donc on a des fusaïoles pour la fabrication du fil. C'est-à-dire? Ah oui, ce sont des lestes pour les fuseaux, okay, pour fabriquer le fil. Alors ça, on en retrouve au néolithique en quantité. Hein. En général, c'est en terre cuite ou c'est en pierre. On peut aussi imaginer tout un panel de fusaïoles en matériaux périssables et qu'on ne retrouvera pas, puisque il faut juste savoir que si vous piquez une pomme au bout d'un crayon, vous allez pouvoir faire du fil, une petite pomme. Donc voilà, c'est des choses qu'on a certainement utilisées autrefois. D'ailleurs, en ethnologie, j'avais vu des fuseaux avec un morceau d'épi de maïs en guise de fusaïole. Ces choses-là ne laissent rien en termes de traces. Hein. Donc après, au niveau de l'outillage, qu'est-ce que l'on a auquel je ne pense pas tout de suite? Des plaquettes de tissage qu'on va pas forcément identifier non plus, parce qu'il faut connaître la technique. Il y a des poinçons. Des poinçons, mais ça c'est beaucoup plus tôt. Des poinçons en os. Oui, bien sûr, pour perforer, mais c'est polyvalent comme objet. Ouais. Est-ce que vous allez l'associer au textile plus qu'au travail du cuir, plus? Voilà, il y a aussi tout un panel d'outils qui, sortis de leur contexte, ne sont pas signifiants. Oui, bien sûr. Aussi. Ouais. Donc, je crois qu'on avait des galets avec des traces de piquetage qui pouvaient servir de dés. Alors de dés, je ne sais pas, mais de fusaïoles, oui. Voilà, on a des galets dans le néolithique suisse, par exemple, et même de l'Est français, avec du piquetage qui sont des débuts de perforation pour fabriquer un poids de fuseau. La question, en fait, autour de laquelle je tourne un peu depuis tout à l'heure et qui, moi, m'apparaît pas clairement, mais peut-être qu'elle est difficile, effectivement, à adresser, Christophe Moulera, c'est entre, finalement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire ces peaux travaillées avec des trous, avec des ornementations, dans un âge glaciaire qui servent à se protéger du froid, et le début de ce que l'on décrit en ce moment, c'est-à-dire un artisanat, est-ce qu'on sait à quel moment on passe de l'un l'un à l'autre? Est-ce qu'on sait à quel moment, finalement, alors je vais le caricaturer énormément et vous avez le droit de me taper dessus si vous voulez, mais à quel moment on prend un fil et une aiguille et on commence à tresser sans avoir un métier? C'est-à-dire à quel moment, finalement, la compréhension du textile, la fabrication de fibres commence à apparaître? Paléolithique. Ouais. On a quelques exemples qui sont très anciens, en fait. Hein. Fabienne pourra t'en parler également. C'est des exemples qui remontent au moins, qui ont été découverts d'ailleurs récemment. Hein. Je crois que c'est en Géorgie. Oui. On a découvert dans une grotte. Je crois que c'est, si je me rappelle bien, c'est Zoudzouana. Voilà, c'est une grotte qui a été découverte, je crois, en 2009, il me semble. Et on a découvert des fils, par exemple, des fils torsadés. Oui, des fibres de lin. Avec de la couleur associée qui date de 36 000 ans. Donc on a des éléments comme ça, on a des exemples aussi en Moravie, d'époque de ce qu'on pourrait appeler le Gravettien, c'est-à-dire qu'on est autour à peu près de 28 000 ans, où on a effectivement des empreintes de fils, enfin de tissus cordés, et ça Fabienne pourrait très bien vous en parler, et des fils qui ont été tressés, donc, et qui ont été tordus. Donc si vous voulez, il y a effectivement, Fabienne parlait également tout à l'heure de Lascaux, des cordelettes de Lascaux, etc. Donc finalement, il y a un travail du fil, enfin il y a un travail de la matière végétale ou animale très tôt. Très tôt après, l'utilisation, ce qu'on en a fait, et finalement, on voit qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuum, etc. Mais c'est un peu comme le néolithique. Pendant très longtemps, on a considéré que dans certaines régions, qu'il apparaissait de façon un peu brutale. Et en fait, avec le temps et la recherche, on s'est rendu compte, dans beaucoup de cas, il y avait une période pré-néolithique qui souvent amorçait déjà petit à petit des éléments qui allaient aboutir à ce qu'on connaît. Et je crois que c'est un peu la même chose pour le textile. Il y a quand même des éléments déjà qui apparaissent avant le néolithique, qui sont assez nombreux et qui vraisemblablement ont contribué à un moment donné à basculer lors évidemment du changement climatique qui s'est produit à l'Holocène et puis après bon avec les changements démographiques etc et aussi un développement cognitif qui fait qu'effectivement on va voir apparaître très tôt des métiers. Après l'explication là elle est un peu compliquée parce qu'effectivement on n'a pas tellement d'éléments. Ce qu'on voit quand même c'est qu'il y a une amorce déjà dans la période avant le néolithique. Il y a une amorce assez, assez importante avant l'éolithique, et je vous dis que si on prend l'exemple, qui est un exemple voilà, un peu exceptionnel, on est quand même au tout début du paléolithique supérieur, on est à 35-36 000 ans. En Géorgie, vous voulez dire, c'est ça ouais. En Géorgie, absolument. Donc, voilà, par exemple. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a, voilà, il y a un moment donné, il y a eu un passage qui s'est fait vraisemblablement fortement au néolithique, hein, où il y a vraiment une rupture, mais cette rupture, elle n'est pas aussi évidente, aussi forte qu'on peut l'imaginer. Il y a une rupture. Il y avait un passif, si vous voulez, déjà. Il y avait déjà des traditions qui étaient en place depuis. Le problème, c'est la conservation. Le problème, c'est. On va revenir sans doute à cette question de la conservation. Le problème, c'est comment arriver à parler d'éléments qui ne se conservent pas pour des périodes qui ont 10 000 ans. Vous imaginez, quand elles ont 20, 30, 40 ou 50 000 ans, on est vraiment. Là, on est vraiment sur. Sur des fragments qui sont extrêmement rares et voilà quoi. Et on va parler d'ailleurs de la technologie qui permet malgré tout d'en analyser une partie. Fabienne Médard sur cette question. Oui. Effectivement, je veux juste rebondir, c'est que il faut pas chercher le point de rupture, le point du changement. C'est un continuum. C'est un continuum. Évidemment. Évidemment que les fibres ont été travaillées pour faire de la ligature. Vous imaginez pas une existence, de chasseur-cueilleur. Sans maîtriser la ligature, qu'elle soit en matière animale, tendon, ou qu'elle soit en matière végétale, qui est disponible dans l'environnement. La ligature, c'est très important, et c'est quelque part, c'est l'ancêtre du fil. C'est la cordelette, le lien, c'est la corde de Lascaux, c'est sans doute ce qu'on a trouvé en Géorgie, c'est toutes ces choses-là. Et à partir du moment où on sait comment travailler la fibre végétale, eh bien, il n'y a qu'un pas à aller jusqu'à la vannerie, il n'y a qu'un pas à aller au tissage. Donc, tout ça est lié. Et c'est évidemment cette histoire que nous sommes en train de raconter, c'est aussi l'histoire progressive de la sédentarisation. Et du changement climatique. Quel intérêt on aurait à, il fait froid, on s'habille avec des peaux. C'est ce qui protège le mieux. On chasse, donc on a des peaux. À partir du moment où le climat change, se réchauffe, on va devenir sédentaire parce que les conditions y sont favorables. Et là, on va pouvoir commencer à s'installer pour fabriquer des tissus, des choses qui sont plus... Je ne dis pas que les nomades ne fabriquent pas de tissus. Mais voilà, des choses où on va peut-être aussi assurer son approvisionnement en matières premières autour de l'habitat. Grâce à des paniers qu'on aura par ailleurs tressés de la même façon. Exactement. Je prends toujours cet exemple, c'est quand on est nomade, on n'a aucun intérêt à fabriquer de la céramique. C'est lourd, ça casse, c'est juste casse-pied, quoi. Quand on se sédentarise, la céramique apparaît, entre guillemets. Elle était connue avant. La terre cuite, on savait. Mais on ne l'utilisait pas, elle avait aucun intérêt. On va continuer à parler de cette archéologie textile. Vous allez voir aujourd'hui que grâce aux nouvelles technologies, eh bien, on peut trouver des traces, même infimes, de ces tout premiers tissus sur des sites de fouilles. Et puis, se posera évidemment la question de l'interprétation, parce que bien tresser du tissu, c'est une chose, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est immédiatement pour s'habiller? Est-ce que c'est pour d'autres usages? On en parle dans quelques secondes musicales. Déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez me convoiter, me désirer, me captiver, déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, oh déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, déshabillez-moi. C'est presque Juliette Gréco, mais pas tout à fait. C'est Philippe Catherine, une fois de plus, parce qu'on aime bien Philippe Catherine dans la méthode scientifique. Déshabillez-moi à 16h35, puisque nous, ce que nous faisons, c'est le mouvement inverse. Nous rhabillons l'espèce humaine. Nous nous demandons quand elle a commencé à s'habiller, quand elle a commencé à réussir à tresser, à tisser du textile, eh bien pour différents usages. Et c'est un travail ardu et complexe. Nous en parlons avec Fabienne Médard, qui est archéologue spécialiste des matériaux organiques et des textes anciens aussi. Je vous avais pas exégète. Des textiles anciens, responsable de l'association Anatex, laboratoire d'analyse, et Christophe Moulera, archéologue enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Abu Dhabi. Intéressons-nous donc maintenant, eh bien, aux techniques et aux technologies qui permettent d'avoir des relevés, de retrouver des traces de plus en plus ténues. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. À défaut d'être allé faire un stage de reconstitution paléo pendant une semaine dans une région reculée du Vercors, vous êtes allé sur le plateau de Saclay, ce qui est pas mal non c'est plus, pas mal, ouais, au synchrotron soleil, pour comprendre comment la technologie de pointe perce les mystères du textile archéologique. Oui, et je me suis intéressé à une étude à laquelle vous avez participé en partie, Christophe Moulera. Il s'agit d'une étude parue en 2020 dans la revue PNAS, qui s'est penchée sur les mécanismes complexes qui président à la conservation des textiles anciens. J'ai rencontré Loïc Bertrand, qui est chimiste à l'École normale supérieure Paris-Saclay, qui est le co-auteur de cette étude, et il nous raconte sur quel type d'échantillons cette étude a porté et ce qu'ont été les rapports de l'analyse via le synchrotron soleil de ces petits fragments de textiles. Les échantillons sur lesquels on a travaillé dans le cadre de cette étude proviennent de différents sites archéologiques du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donc ce sont des échantillons qui viennent de Mésopotamie, pour certains d'entre eux, qui viennent du Turkménistan, qui viennent de la vallée de l'Indus, et qui, pour nous, avaient un intérêt peut-être moins du fait de leur histoire que du fait de la proximité des mécanismes de préservation. Donc on était en fait sur des textiles qui viennent tous de milieux assez riches en sable, avec des milieux relativement arides, mais quand même avec la présence d'eau de manière régulière dans les sols. Et donc ce qui nous intéressait en fait, c'était d'avoir sur des périodes relativement longues des échantillons qui avaient connu une histoire probablement relativement similaire du point de vue de l'environnement dans lequel ils étaient. Quelle a été l'approche choisie pour cette étude-là et qu'est-ce qu'elle avait de novatrice ? En fait, pour nous, il y a rarement une méthode qui permet de répondre à des questions aussi complexes. On est sur des systèmes complexes qui ont connu une histoire qui est particulièrement difficile à reconstruire. Et donc, ce sont des sujets ardus, tant du point de vue des matériaux que de l'interprétation de ce que l'on observe. Mais c'est vrai que toute une partie de cette étude s'est appuyée sur le rayonnement synchrotron, donc en particulier au synchrotron Soleil, qui est tout à côté de l'ENS Paris-Saclay. Le synchrotron, c'est une source de lumière qui utilise en fait l'accélération à très forte énergie en fait d'un faisceau d'électrons pour générer des faisceaux de lumière particulièrement intenses et qui peuvent être dirigés enfin avec une divergence relativement faible pour qu'on puisse faire de l'imagerie sur des tout petits volumes en fait. Par ailleurs, on peut ajuster précisément l'énergie d'excitation en fait, donc l'énergie de la lumière, des photons que l'on va utiliser pour faire interagir avec l'échantillon. Donc ici, en particulier, ce qu'on a utilisé, ce sont des méthodes de nanotomographie. Donc la tomographie, c'est un petit peu la même chose que le scanner médical. On fait des radios, on fait tourner l'objet, et avec suffisamment de radios, on arrive à reconstruire en 3D ce qui est à l'intérieur de l'objet. Et donc ça nous a permis à toute petite échelle d'avoir des images 3D à l'échelle de la fibre unique, donc avec des résolutions qui sont inférieures au micromètre, et donc de reconstruire l'intérieur de cet échantillon. Et donc, on est venu, en fait, prélever des fibres uniques et en réaliser l'imagerie à travers à la fois ces méthodes donc d'imagerie synchrotron et d'autres méthodes mises en œuvre au laboratoire. Et donc, ces méthodes nous permettent d'avoir, alors pour le cas de la tomographie de rayons X, une image. Donc, on arrive à reconstruire, on va dire, en niveau de gris. Encore une fois, il faut s'imaginer la radio dentaire que vous faites. Donc, on arrive à reconstruire l'intérieur de l'échantillon. Mais on a appliqué là un protocole qui est assez rarement utilisé en fait, qui consiste à classifier ces niveaux de gris pour identifier les phases minérales qui sont présentes au sein de cet échantillon. Ce qui veut dire qu'on arrive à partir d'une information qui est, on va dire, l'atténuation des rayons X dans l'échantillon, c'est ça que vous donne la radiographie ou la tomographie, on a pu reconstruire la distribution des phases minérales qui étaient présentes au sein de ces fibres lors de leur fossilisation graduelle. Notre très grande surprise, qui est quelque chose qu'on avait pressenti à travers justement des travaux au fur et à mesure où on regardait macroscopiquement ces textiles, c'était de voir qu'à la fois on pouvait avoir des systèmes totalement transformés, fossilisés, et en même temps donnant à travers d'autres méthodes analytiques d'imagerie infrarouge une réponse de système organique. Donc notre question initiale c'était ça, c'était de se dire comment se fait-il que des systèmes qui après des milliers d'années puissent être aussi transformés conservent la signature de la cellulose d'origine. Et donc le cœur du travail c'était ça, c'était d'essayer de voir les mécanismes qui mènent à la préservation et où restait cette information organique qui pour nous est très intéressante. Ça veut dire qu'on pourrait être en mesure, en isolant certaines de ces molécules organiques, d'avoir des informations plus précises peut-être sur le type de plante qui a été utilisée, avoir une identification positive de ces plantes, ou pour les textiles de type kératinique, donc les laines, les poils d'animaux, être en mesure d'aller vers l'analyse des espèces. Alors, pour nous, du coup, il y a eu deux résultats principaux. Donc, on a montré, en fait, que cette préservation passait par la formation de phases de silice, en fait, dans des mécanismes très connus en chimie de type solidification sol-gel. Donc, on part d'une solution qui va se transformer en gel et qui va se transformer par la suite en système minéral. Et donc, ça, c'est typiquement la même chose que ce qu'on va observer autour des bois pétrifiés, ce qui, en soi, a posteriori, n'est pas si surprenant. On est devant des systèmes cellulosiques. Donc, on va avoir au fur et à mesure formation d'un gel de silice autour lié au sol, lié à la présence de silicium, enfin de sable en fait, dans le sol. Ce gel de silice va au fur et à mesure faire une barrière avec l'environnement. La présence de cuivre lié aux objets métalliques dans l'environnement immédiat, eux vont avoir une activité bactériostatique et vont en fait limiter totalement la dégradation. On va donc passer d'une dégradation typiquement biologique à une dégradation essentiellement physique et chimique en fait. Et donc au fur et à mesure du vieillissement du matériau organique, le polymère qui le constitue, en fait le réseau de cellulose, va se fracturer, de l'eau va rentrer et le gel au fur et à mesure va se condenser à l'intérieur et se substituer, c'est donc la fossilisation, à la matière organique originalement présente. Donc ça c'est, je dirais, le premier grand ensemble de résultats. Le deuxième grand ensemble, ça a été d'aller regarder où se trouvent ces composés organiques, cellulosiques, que l'on s'attendait donc pas à retrouver aussi bien préservés. Et donc là, on a eu appel à un autre type de méthode, l'imagerie par seconde harmonique, qui, elle, va nous permettre de voir où est la cellulose au sein de ces systèmes minéraux, par ailleurs très absorbants. Et donc, on a eu la surprise de voir que c'était pas simplement ici ou là un signal très diffus de cellulose, comme si on avait quelques molécules. Non, on a des endroits en fait dans la fibre où on a toute la structure de la cellulose qui est préservée. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir peut-être 10%, 20% de l'ensemble du système où l'information organique est préservée. Et donc si on veut aller vers ce que j'indiquais tout à l'heure, une espèce d'approche molécule unique où on va aller viser des points particuliers pour aller identifier, on sait peut-être un petit peu mieux maintenant où aller regarder. Voilà le reportage du jour sur cette technique très particulière pour essayer d'extraire des informations de petits résidus textiles. Votre réaction, Fabienne Médard, à cette technique et cette technologie du synchrotron soleil? Moi, je suis ravie de voir toutes les avancées qu'on fait en biochimie. Effectivement, les technologies nous permettent d'aller de plus en plus loin, d'aller de plus en plus finement. Et c'est vrai qu'on peut que le saluer et qu'en profiter, parce qu'on est souvent bloqué en fait. Par exemple, pour identifier les matières premières textiles, j'utilise le microscope électronique à balayage. J'en suis tenue à une identification morphologique. Et je rêve d'un référentiel avec des signatures chimiques, parce que une laine de mouton, c'est pas une laine de chèvre, c'est pas un poil de castor, etc. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que des laines, il y en a tout un panel possible, et Dieu sait si l'homme est inventif et utilise tout ce qu'il a à disposition. Donc, si c'est un poil de chien ou si c'est une laine de mouton, ça veut pas dire la même chose dans la société sur laquelle on travaille. Donc, voilà, et pareil pour les matières végétales. Plus on pourra aller loin dans l'identification, eh bien, plus on aura des interprétations riches et précises. Christophe Moulera, votre pratique vous-même sur cette technique-là ou sur d'autres techniques qui permettent finalement d'extraire des informations de fragments ou voire même c'est un pléonasme, voire de d'empreintes finalement ou de résidus absolument infinitésimaux de textiles. Oui, je pense que le thème de l'émission, c'est les textiles archéologiques. Et c'est vrai que s'il y a bien un élément qui caractérise généralement, en tout cas dans nos régions, les textiles archéologiques, c'est leur caractère extrêmement fragmentaire, quoi. Ils sont, généralement, il y a deux caractéristiques. Ils sont petits et ils sont très mal conservés. C'est-à-dire qu'ils sont carbonisés, Fabienne pourra vous en parler, ils sont minéralisés, j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Ils sont, ça peut être sous la forme d'empreintes, etc. En fait, ils sont très souvent sous une forme dégradée. Alors, il y a des sites un peu exceptionnels, il y a des régions un peu exceptionnelles. On connaît toute la façade, une partie de la façade pacifique, je pense Chili, Pérou. Effectivement, on a des conditions exceptionnelles de conservation. On a des momies qui ont plusieurs milliers d'années et qui sont très très bien conservées, les couleurs et tout ce qui est associé au tissu. Le tissu lui-même, les personnes sur lesquelles étaient posés ces tissus. Pareillement, dans les régions un peu froides, effectivement, même glaciaires, on va dire, si on va en Yakoutie, par exemple, en Sibérie orientale, où on a effectivement des conditions un peu exceptionnelles. On a la même chose en Mongolie ou en Égypte, bien évidemment. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on a quand même affaire à des fragments, à des minuscules fragments qui sont très dégradés. Et c'est vrai que toutes les techniques sont bonnes, si je puis dire. Et alors là, ce dont parlait Loïc, effectivement, lui partait quand même sur des tissus qui étaient cellulosiques, parce qu'on savait que c'était du lin globalement, donc il n'y a pas de surprise sur l'identification. Là, l'intérêt majeur, c'était surtout d'arriver à identifier aussi les mécanismes de minéralisation, c'est-à-dire comment le tissu a pu se transformer et se préserver. Là, c'est un petit point très rapide sur effectivement un mode de conservation qui est particulièrement intéressant, c'est la minéralisation, c'est-à-dire ce mode qui consiste en fait à fossiliser un tissu, enfin qui consiste à fossiliser un tissu au contact d'un objet métallique, d'un objet métallique qui a la propriété de se corroder. Par là, on évitera, mais tout ce qui est par exemple majoritairement le fer et les alliages cuivreux, évidemment, dès que vous avez un tissu ou un matériau organique, d'ailleurs pas forcément un tissu, ça peut être un cuir, ça peut être un morceau de bois ou des feuilles ou la peau. Avec le temps, si vous voulez, la corrosion du métal va, dans certains cas, dans certains cas, pas systématiquement, mais vous allez avoir une contamination par les sels métalliques de ces éléments organiques qui vont ainsi pénétrer, transformer et fossiliser. Et ainsi, on peut avoir des siècles plus tard, des millénaires plus tard, des fragments de tissu, de peau, de bois, des morceaux de feuilles, etc., qui se sont conservés sous une forme presque métallique. Métallique, on pourrait dire, et grâce à cette corrosion. Donc, et tout ce qui était autour, si vous voulez, autour, en dehors de la zone où il y avait du métal, ça a disparu. Il ne reste que la partie au contact ou à proximité proche de cet objet métallique. Et alors, en fait, c'est pas notre principale source, mais c'est une source importante d'informations textiles, si je pense pour la Grèce, le Proche-Orient également, en Europe, d'une façon générale aussi, c'est peut-être moins pour les pays du Nord, mais c'est une source d'informations considérable. Effectivement, moi, en ce qui me concerne, j'ai l'essentiel de mes tissus sur lesquels j'ai travaillé, la plupart du temps, ils étaient conservés sous une forme minéralisée. Donc là, effectivement, se pose la question de se dire, mais comment on arrive à retirer, à extraire de l'information? Donc Fabienne, tout à l'heure, vous parlez de la microscopie électronique à balayage, effectivement, qui est un outil tout à fait indispensable. Voilà, et donc il y a d'autres techniques peut-être qui apparaissent grâce aux travaux de Loïc, mais c'est vrai que là, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps, parce que tout dépend de la quantité de matière organique conservée à l'intérieur de ce phénomène. Et comme le disait Loïc, vous avez des cas où vous avez une minéralisation, une fossilisation totale. Donc il n'y a plus d'organique là-dedans. Donc on n'a que de l'empreinte. Et dans des cas, on ne sait pas pourquoi, vous avez des fragments d'organique qui sont préservés et qui peuvent là, en l'occurrence, faire l'objet d'analyses, sachant que maintenant, pour ce type d'analyse, il faut des quantités infinitésimales. Donc, vous voyez. Et alors, ce qui est intéressant, parce que en fonction, on entend bien là ces fragments ou ces traces de fragments permettent d'attester l'existence d'un textile. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent même parfois de le reconstituer, parfois de retrouver des fragments de pigments qui peuvent inférer une certaine forme de couleur dans le meilleur des cas. Mais reste tout de même la question centrale, c'est celle de l'usage. On revient à l'humain là. On revient à l'humain. Non, mais c'est ça. Finalement, comment est-ce qu'on discrimine ça? Quels sont, par exemple, qu'est-ce qui permet de discriminer dans une sépulture un usage stricto sensu funéraire d'un vêtement qui aurait été finalement porté soit comme vêtement au sens contemporain du terme, soit comme apparat. Quels sont les éléments d'enquête, puisque c'est quasiment une enquête paléontologique, archéologique, paléoanthropologique que vous menez, qui vous permettent ensuite de redessiner, de redistribuer finalement l'usage de ces fragments de tissu microscopiques que vous découvrez? Bah alors là, ça s'appelle la taphonomie. Hein, voilà. Donc, une fois qu'on a étudié nos restes textiles, on regarde où on les a trouvés. S'ils avaient, par exemple, si c'est du mérovingien, c'est conservé sur une plaque boucle ou une morceau de plaque dorsale. Donc, c'est pas pareil. Si on est à l'avant du corps, à l'arrière du corps. Si c'est des fibules qui sont sur l'avant du corps. Si c'est une arme qui est le long de la jambe, etc. Donc, on va regarder où se trouvent les traces de textiles. Et puis, en général, c'est un travail un peu collaboratif. Moi, je travaille généralement à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne veux pas savoir grand-chose de ce que j'étudie pour pouvoir ensuite le verser et discuter l'interprétation avec les personnes qui ont fouillé. C'est souvent des sépultures. Voilà, et donc ça, c'est le travail taphonomique, donc contextuel. On se dit, ah bah tiens, tel tissu, il se trouve à tel endroit sur le corps, il pourrait correspondre à une tunique, à une chemise, à un linceul, à un manteau. voilà, on donne des hypothèses. Quelquefois, on peut être un peu plus précis, ça dépend. Moi, je prends juste l'exemple d'une tombe sur laquelle j'ai travaillé il y a 2-3 ans. Alors, on a trouvé, en examinant les objets métalliques, puisqu'on est sur du minéralisé, je vois de la plume. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément fréquemment. Mais à partir du moment où on sait la reconnaître, on en voit de plus en plus aussi. L'œil se forme. Hein. De la plume sur un objet métallique qui se trouvait au niveau de l'épaule et un autre au niveau de la hanche. Cette plume était recouverte de tissu minéralisé. On était dans le dos de l'individu. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse pour interpréter ça? Eh bien, soit c'est un matelas, un édredon, quelque chose qui était sous le corps dans la sépulture, soit il avait l'hypothèse a été celle d'une pèlerine en tissu et plume. Donc, ce qui est tout à fait envisageable, hein, au niveau ethnologique, on le voit très bien, des vêtements faits, recouverts avec des plumes tissées, hein, prises dans le tissage. Donc, on a fait une restitution dans ce sens, en n'oubliant pas les autres hypothèses. Mais ça nous donne une autre vision de savoir que peut-être ce guerrier avait une pèlerine en plumes par-dessus, peut-être son manteau. Voilà. Donc, on travaille comme ça. Déjà en réflexion collaborative et en fonction des éléments, là où on les a trouvés, comment ils ont été fabriqués, à quoi ça peut correspondre. Voilà, je parle de sépultures, parce que je travaille énormément sur des sépultures et sur des restes organiques minéralisés, effectivement, comme le disait Christophe, cuir, plumes, tissus, toutes sortes de matériaux, fourrures, beaucoup de fourrures aussi. Christophe Moulera, pour conclure et pour tâcher de donner des éléments de réponse à cette vaste question de la reconstitution et de l'attribution, ou de l'usage. Il y a effectivement il y a quand même des éléments qui vont nous aider avec le temps, des éléments nouveaux. En fait, on assiste à un développement de l'imagerie 3D depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que, par exemple, on est en mesure maintenant, et on est en train de travailler là-dessus avec des collègues, notamment, je pense, à Nathalie Briès, sur une technique qui consiste à partir d'un fragment de tissu, de restituer virtuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on doit récupérer toutes les informations nécessaires pour l'étude d'un tissu, la nature, la fibre, la torsion, le sens de torsion. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit intégrer. Et après, il y a des logiciels 3D, des logiciels de PAO qui permettent, en fait, actuellement, de pouvoir restituer le tissu. Alors attention, on restitue pas la forme initiale, parce que souvent, on est des échantillons qui font 1, 2, 3, 4 centimètres, parfois plus, mais rarement plus. Mais on restitue la texture, le tombé, l'effet de transparence s'il y a. Et on a fait des tests sur des tissus grecs notamment, sur plusieurs tissus, même sur des fresques. On a travaillé sur des fresques, enfin c'est surtout elle, Nathalie, qui a travaillé sur les fresques, et c'est vraiment super intéressant. On arrive vraiment actuellement à restituer, et de ces tissus tels qu'ils pouvaient être, on peut modifier d'ailleurs un petit peu les paramètres assez facilement, parce que c'est la 3D, et après on peut déposer ces tissus sur des avatars, sur un avatar ou sur un objet en bois, etc., et ainsi imaginer l'effet produit. Donc, à défaut d'avoir la forme, on a des éléments qui permettent aux archéologues, aux spécialistes techniques des textiles, aussi de réfléchir sur l'utilisation à travers la tombée du tissu, sa transparence, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et l'autre intérêt aussi de cette technologie, c'est d'être conservatoire. C'est-à-dire qu'en fait, en deux minutes, c'est-à-dire qu'en une minute, même pas, c'est que ces objets-là, dès qu'ils sont minéralisés, dès qu'ils sont fossilisés, dès qu'ils sont traités numériquement, ils sont capturés. C'est-à-dire qu'en fait, on les a conservés et on peut les garder comme ça et travailler dessus, même si les originaux disparaissent. Merci beaucoup, merci Fabienne Médard, merci Christophe Moulera d'être venu nous parler de ces textiles archéologiques. Deux mots rapides, le premier pour m'excuser de l'effroyable barbarisme dont je me suis rendu compte a posteriori, qu'on va mettre sur le dos de la fatigue, sur la troisième personne du pluriel du verbe vivre. Ils vécurent bien entendu, donc autant pour moi, je suis vraiment contrit de honte. La deuxième chose, c'est pour vous annoncer de ne pas rater le podcast, la deuxième saison de Mécanique des épidémies par Renaud Piarou, un podcast passionnant sur l'histoire du sida et du VIH que vous pouvez retrouver sur l'application France Culture, l'application Radio France, et sur le site franceculture.fr. Nous, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.